Bonjour les amis. Vous aimez bien regarder les aventures de Dragon Ball Z à la télévision. Alors, je suis sûr que vous prendrez beaucoup de plaisir à les écouter. L'histoire que vous allez entendre maintenant s'intitule « 100 000 guerriers de métal ». Bon, vous êtes bien installés ? Accrochez-vous, nous allons décoller. Les Namek avaient émigré sur une nouvelle planète. Mais ils durent bientôt faire face à un danger plus grand encore que les précédents. En effet, une étoile plutôt étrange s'était collée à la planète qu'ils occupaient. Dende, qui avait pris la place du Très-Haut sur Terre, demanda à Sangoku et à ses amis de venir au secours de son peuple et d'éliminer l'envahisseur. Faut pas s'inquiéter. Sangoku a juré de sauver la planète. Ma planète, ma famille, mes amis. Dragon Ball Z, le gentil Sangohan. Dragon Ball Z, combat tous les méchants. Dragon Ball Z, il a tous les Dragon Ball Z, la force et le savoir. Son père était un héros, le grand, le vaillant Sangoku. Le monde saura bientôt que son esprit reste avec nous. Dragon Ball Z, notre héros au grand cœur. Dragon Ball Z sera toujours vainqueur. Dans la capsule les conduisant vers Namek, nous retrouvons Sangoku, Krillin, Sangohan, Yajirobe, Oolong et Tortue Géniale. Tu as eu une bonne idée d'emporter des provisions. Je meurs de faim. Nom, nom, nom, nom, moi aussi. Cette mission devrait pas durer très longtemps. On sera rentrés pour le dîner. Je suis ravie de faire cette petite balade avec vous. Dites, à quoi elle ressemble la planète des Namek? Tu verras. C'est le genre de choses que tu n'apprendras pas à l'école. Alors ouvre grand tes yeux et observe tout ce qu'il y aura autour de toi. Oui, papa. Tu parles? Bulma a absolument tenu à ce que je vous accompagne. Je vois pas pourquoi. Je vous parie qu'on n'aura pas besoin d'haricots magiques. Mais oui, cette mission, ça va être du gâteau. Mais lui, il veut pas de gâteau. Eh bien, ne t'occupe pas de lui, il n'en mange jamais. À l'écart, perdu dans ses pensées, Petit Cœur scrute le vide sidéral. On arrive. Aux abords de Namek, l'équipage est stupéfait par ce qu'il voit sur les écrans de contrôle. Une sorte d'énorme pieuvre métallique enserre la petite planète. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! On dirait une pieuvre accrochée à un rocher. T'as déjà vu une pieuvre de cette taille? Arrêtez de dire des sottises tous les deux. La pieuvre est en train de dévorer l'autre planète. Allons, une planète ne peut pas en dévorer une autre. En tout cas, elle a pas l'air appétissante. Allons voir ça de plus près. Ah. Pendant ce temps, un spectacle désolant se déroule sur la planète. Les habitants y sont traités comme des esclaves par une étrange colonie de robots aussi forts qu'impitoyables. Une colonne de Namek, solidement gardée, est dirigée vers une destination inconnue. Tenant plus de rage, un Namek brise ses chaînes, sort du rang et se précipite vers l'un des robots. En une fraction de seconde, la machine le repère, bloque le rebelle entre deux pinces de métal, puis le rejette violemment au sol. Calmement, le robot fait surgir de ses pinces un désintégrateur qui promet au fuyard une mort certaine. Alors au moment même où le robot va désintégrer le pauvre Namek, surgit Son Gohan qui, d'un violent coup de poing, détourne le rayon mortel. Ils sont tous là, se tenant face à des dizaines de robots. Son Goku, Krillin, Son Gohan, Yajirobe, Oolong, Tortue Géniale et bien sûr, Petit Cœur. Je suis content de vous revoir. Enlevez-leur les menottes si vous ne voulez pas que je me fâche. Vous seriez mieux de faire ce qu'il dit. Il ne plaisante jamais. Vous l'avez pas encore vu quand il est en colère. Rien ne lui résiste. Je vous préviens, je ne le redirai pas deux fois. Libérez ces pauvres gens et laissez-les repartir chez eux. Ils ne vous ont rien fait de mal. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, hein? On vous impressionne, je parie. Pourquoi tu vas pas lui dire en face? Non, pas tout de suite. Faut que je m'entraîne d'abord. Content de te revoir, Son Goku. Cette voix et cette démarche sont bien connues de Son Goku. Vêtu d'une carapace de métal, l'infâme Kula se tient face à Son Goku, ses yeux rouges le fixant du regard. Non. C'est toi, Kula? Non. Et pas croyable. Oh, mais je croyais qu'il était mort. Son Goku revoit alors les derniers instants de son combat contre Kula, lorsque dans un ultime effort, il a réussi à le projeter contre le soleil pour le détruire définitivement. C'est moi l'être le plus fort de tout l'univers. Regarde! Guédester? Ce ne serait pas cette drôle d'étoile qui s'est collée contre la planète des Namek? Les Namek n'apportent rien à l'univers, ils monopolisent une planète tout entière. Je ne pensais pas vous y retrouver, ça m'arrange. J'avais l'intention de faire un saut sur Terre pour vous supprimer. On va gagner du temps. C'est nous qui allons vous supprimer, toi et ton armée de robots. Si j'avais su qu'il était toujours vivant, je ne serais pas venu. Allez, viens, on rentre, tant pis pour les Namek. C'est trop tard, tu le sais bien. Prends exemple sur Tortue Génial. Il ne cède pas à la panique, lui. On ferait mieux de les laisser s'expliquer entre eux et rentrer chez nous. Qu'est-ce que t'as pas dit? Soudain, sans avertissement, les robots passent à l'attaque. Ça va, Krillin? Oui. Oh, Seuls, Kula et Sangoku se font face. Oui. J'ai l'impression que ton niveau d'énergie a augmenté. Pour une fois, tu ne t'es pas trompé. Je veux rentrer à la maison, moi. Tais-toi, si tu veux revoir la Terre un jour, tu ferais mieux de te taire. Tortue Géniale, Yajirobe et Oolong doivent parer l'attaque de trois robots. Tortue Géniale rassemble toute son énergie, mais leur armure semble indestructible. Il a réussi. Ça fait mal. Finalement, ils sont capturés et emmenés tous les trois dans le vulgaire filet. Mais c'est bon, je suis pas un poisson. Et moi qui croyais que c'était un maître de karaté. Ça va, je suis plus tout jeune. Quant à Krillin et Sangohan, ils se heurtent douloureusement à la cuirasse métallique des robots. J'espère. Non, t'en fais pas, mais je sens plus mes mains. Oui, je sais, leur armure est encore plus dure que de la pierre. Oh, petit cœur. Leur système de protection est parfait. On ne pourra pas les éliminer si on ne concentre pas toutes nos énergies. De tous côtés arrivent alors des dizaines de robots. Oh non, en voilà d'autres. Je me concentre. Allons-y. Petit cœur est le premier à partir à l'assaut. Sangohan se précipite telle une furie. Krillin n'est pas en reste. À moi de jouer maintenant. Ce genre de choses, ça n'arrive qu'à moi. Ils sont maintenant tous les trois dans la mêlée. Sangohan et Krillin combattent eux aussi avec un immense courage. Mais les robots commencent à propulser de monstrueuses pinces contre lesquelles nos deux amis ne peuvent rien. Ils finissent eux aussi par être capturés. Petit cœur est bloqué par l'un des robots qui se met à le mitrailler à bout portant. d'autres survivants le prennent également pour cible et un déluge de feu s'abat sur Petit Cœur. S'engage entre Kula et Sangoku. Semble rien ressentir des terribles coups de Sangoku. Quel dommage, ce combat n'aura duré que quelques secondes. Au contraire, il le traite comme un vulgaire pantin. Sangoku réapparaît derrière Kula. Eh oui, c'est l'une de mes techniques préférées. Ah oui, moi aussi je la connais. Alors prouve-le. Tu ne perds rien pour attendre. La lutte est titanesque. Sangoku doit se transformer. Ses cheveux deviennent jaunes. Il est maintenant à sa puissance maximum. Tu montres enfin ton vrai visage, Sangoku. On va savoir lequel de nous deux est le plus fort. Est-ce que tu es prêt? Ça fait des mois que j'attends impatiemment ce moment-là. Pendant ce temps, qu'advient-il de Petit Cœur? Vous n'avez plus de munitions? Il a résisté à tous les projectiles, et le voilà qui dégage maintenant une intense source d'énergie. Sont littéralement réduits en miettes. J'y suis peut-être allé un peu trop fort cette fois. Il est temps maintenant pour lui de s'occuper de la chose qui tyrannise ses frères, le grand Guédester. Alors c'est ça, le grand Guédester. Le combat a repris entre Kula et Sangoku. Sangoku croit avoir infligé un coup fatal à Kula en lui pulvérisant l'un de ses bras métalliques. Ce qu'il voit maintenant lui glace le sang. Tu peux m'arracher un bras ou une jambe, ça n'a aucune importance. L'ordinateur du grand Guélester les remplacera en 5 secondes. Tu commences à comprendre. Je suis indestructible. Tu ne peux rien contre moi. Je te conseille de te rendre. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Ton orgueil te perdra. Kula contre-attaque. Malgré son courage et sa vaillance, Sangoku se retrouve pris à la gorge par Kula. Les doigts de ce dernier se resserrent impitoyablement. Je t'avais prévenu. Abandonne, Sangoku. L'incroyable se produit alors. Vegeta vient d'entrer en scène. Il déstabilise Kula et libère Sangoku. Super guerrier n'abandonne jamais. C'est pas possible. Merci beaucoup, Vegeta. Mais c'est aussi un super guerrier. Ne me remercie pas, Sangoku. Je ne suis pas venu ici pour te sauver la vie, mais pour l'empêcher de te supprimer. Si quelqu'un doit t'éliminer, ce sera moi, pas lui. Plus on est de fous, plus on rit. Tu as bien fait de venir avec un de tes amis. Vous allez pouvoir vous tenir compagnie. Je n'aime pas qu'on se moque de moi. C'est maintenant Vegeta qui se heurte à l'invincible Kula. Bien entendu, Sangoku est du combat. Laissez-le-moi. Je vais l'achever. Alors que Vegeta pense avoir anéanti Kula, celui-ci émerge brusquement de l'épaisse fumée noire et le frappe violemment. Vegeta tombe évanoui dans les bras de Sangoku. Kula, sans pitié, tire alors plusieurs projectiles étincelants sur les deux héros. La déflagration est indescriptible. À quelques kilomètres de là, dans les entrailles de la gigantesque pieuvre métallique, Sangohan, Krillin, Oolong, Yajirobe et Tortue Géniale sont dans une situation assez délicate. Nous allons tous vous éliminer les uns après les autres. C'est pas très drôle, je sais. Nous avons besoin de votre énergie vitale afin de la transmettre à notre maître bien-aimé, le grand Guédester. Alors je vous en supplie, gardez votre calme surtout. C'est ce qu'on va voir. Spécimen intéressant et très nerveux, tant mieux. On va commencer par toi. Seul Petit Cœur peut encore les sauver. À moins que... Ah, encore un spécimen. Parfait. Mais Qu'est-ce que... Dans un silence de mort, Sangoku et Vegeta se relèvent péniblement de la dernière attaque. C'est un cauchemar. Nous sommes complètement épuisés, alors que lui est toujours en pleine forme. Ça va, Vegeta? Ne t'inquiète surtout pas pour moi. Si on n'allie pas nos forces, nous n'avons aucune chance de nous en sortir. Je ne vois qu'un seul moyen pour le faire disparaître. C'est d'essayer de l'attaquer ensemble, Vegeta. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Bien, ta colère va nous aider. Il arrive! Souviens-toi, Vegeta, attaquons-le ensemble! Je fais ce que je veux, sans... Unissant leurs forces, Sangoku et Vegeta se ruent vers Kula. Réduisent en miettes Kula. Une fois encore, ils ont vaincu. Ah, il était temps. Je n'aurais pas tenu une minute de plus. Se remettant douloureusement de ce combat, ils entendent alors un bruit venant du promontoire rocheux en face d'eux. Quelle stupeur! Kula les domine. Un sourire narquois sur le visage. Mais il n'est pas seul. Des dizaines, non, des centaines de robots identiques à lui-même viennent se placer à ses côtés. Qui croyait qu'on s'était débarrassé de lui à tout jamais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je m'étais bien trompé. Celui que vous avez éliminé n'était qu'un robot créé par notre savant, le grand Kédester. J'espère qu'il vous reste assez de force et d'énergie pour affronter tous mes chers sosies. Je vous souhaite bonne chance. Nous n'avons pas le choix, Vegeta. Il va falloir se battre. Ah non, je suis épuisé. Alors, les centaines de robots dévalent la montagne à l'assaut de Sangoku et Vegeta. Je vous attends! Une violente explosion, puis c'est le néant. Sangoku et Vegeta se réveillent dans une immense pièce, accrochée au-dessus du sol par des dizaines de filins métalliques. Bienvenue dans ma nouvelle demeure. Kula, je ne te vois pas. Où te trouves-tu? Juste devant toi. Quoi? Il y a longtemps de cela, une puce électronique dans le cimetière des vieilles fusées et des satellites hors d'usage. Ça lui a pris beaucoup de temps, mais elle a réussi à se multiplier un peu comme une cellule humaine. Elle absorbait l'énergie contenue dans l'espace et grossissait. Et aujourd'hui, elle est assez grosse pour avaler une planète entière. Entre nous, on l'appelle le Grand Kédester. Sans lui, on ne pourrait pas vivre. Mon cerveau s'est un jour trouvé sur son chemin. Et depuis, il ne fait plus qu'un avec l'ordinateur principal qui régit le Grand Kédester. C'est ce qui m'a permis de fabriquer un corps fait de circuits électroniques. Plus fort, et plus puissant que l'original. Oh, qu'allons-nous devenir ? Vous allez m'être très utile. Je vais prélever votre énergie de super-guerrier et la transporter dans mes circuits. Quoi ? Je vais ainsi pouvoir créer une nouvelle race de super-robots. Petit cœur, de son côté, vient d'être capturé et jeté dans une cellule. Laisse-moi tranquille. Parfait, tout marche comme prévu. Grâce à l'apport d'énergie des deux super guerriers, le grand Guédester augmente sa puissance. Son étreinte se resserre implacablement sur la petite planète. Et voilà. Je n'aurais jamais imaginé que les super guerriers avaient autant d'énergie. Ça pourrait nous poser quelques problèmes si on continuait le processus de transfert. J'en ai assez pour construire des milliers de robots. Qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! C'est pas croyable ! Il leur reste encore beaucoup d'énergie. Kula ne parvient plus à maîtriser la puissance de Sangoku et Vegeta. Cela entraîne des courts-circuits dans le grand Guédester. Les explosions se multiplient. Les machines vont exploser! Les deux super guerriers se libèrent. Non loin de là, Yajirobe est allongé sur une table d'opération, prête à être exécuté. Ses amis arrêtez contemplent le spectacle, impuissants. Au secours ah. T'en fais pas, tout va s'arranger, courage, diabo ah. Oh, bah, je voudrais t'y voir, toi Le grand maître sera fier de moi, je fais du bon travail. Mais juste à temps, le robot implose, délivrant du même coup toute l'équipe. Essaye de se libérer de la planète. Peine perdue. Une réaction en chaîne est en train de le détruire. Je ne contrôle plus rien. La planète décolle. Je ne pensais pas que les super guerriers étaient aussi puissants. Tu n'aurais pas dû nous sous-estimer, c'est ton orgueil qui t'a perdu. On t'avait pourtant prévenu. Papa ! Son Goku ! Allez-vous-en, tout va s'écrouler. Je vous rejoindrai plus tard, dès que j'aurai mis Cola hors d'état de nuire. Sois prudent, Son Goku. Tu sembles très sûr de toi. Sangoku, viens, il ne faut pas rester ici, c'est trop dangereux. Les habitants de Namek, médusés, voient la grosse pieuvre métallique s'élever enfin dans les airs. Malheureusement, Sangoku est toujours prisonnier. Il doit en finir avec Kula. Vite, descends, papa. De nous deux, tu es le plus à plaindre. Tu n'es qu'un cerveau prisonnier de cette planète de métal. Rien d'autre. Peut-être, mais grâce à cette prétendue prison, je suis immortel. Le grand Guélester et moi, nous ne faisons qu'un. Tu peux détruire tout ce qu'il te plaira, nous le reconstruirons. Il n'en est pas question, je vais te réduire en cendres, et tu ne pourras plus jamais absorber une planète et terroriser ses habitants. Tu ne me fais pas peur. Le combat est terrible. Kula vient de bloquer Sangoku et commence à l'étouffer. C'est toi qui ne comprends rien, tu ne me laisses pas le choix. Il faut que tu disparaisses une bonne fois pour tout. Heureusement, l'entrée en liste de Vegeta renverse le rapport de force. Je ne pouvais pas le laisser t'éliminer. Tu me dois encore un combat singulier, Sangoku, ne l'oublie pas. Son Goku déploie alors sa force maximum et projette une boule de feu sur Kula. Éloigné de Namek, le grand Guélester explose. Sur Namek, les amis sont terriblement inquiets. Heureusement que tu as pris les haricots magiques avec toi. Je me sens beaucoup mieux. Ah. Mais où est passé Vegeta? Il a pris un haricot et il est parti sans demander son reste, comme d'habitude. Dommage, j'aurais bien voulu le remercier. J'ai une dette envers lui. Il m'a sauvé la vie. S'il n'était pas venu avec nous, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Dans son vaisseau, Vegeta tient dans sa main une petite puce électronique. Il la regarde un instant, puis l'écrase sans pitié. Le grand Guélester ne nuira plus jamais.